Y'a de la zip dans mon jean, je zip. Et j'décolle en zip et l'école je zappe. J'ai faim, envoie une part de zap. J'rêve des dépôts dans un transat. Pour l'instant transat, on envoie le transit. Là j'pète un cap, toi tu m'hésites. Ensuite dis-moi c'est quoi la suite. SMS j'calcule pas la suite. Et j'suis en bas, les idées sont. J'ai même perdu mon nom, t'es mon gars sûr. J't'aide quand tu tombes. Et j'te tire quand moi j'm'enterre, ouais mon pote. Et tout est noir. On maquine nos vies pour l'embellir. J'ai pris les pinceaux pour mettre la couleur dans ta vie. J'dessine sur le tableau, on change de décor si tu t'ennuies. Viens, on s'enfuit loin, j'ai le monde qui me séduit. Viens, on s'enfuit loin, j'ai le monde qui me séduit. Pira para papa, la vie est belle. Pira para papa. J'en veux pas, même sans ça j'plie à ta nana. J'fais tous ces soucis pour mama. Pas besoin de jouer Montana. J'fais ce qu'il est cata, putain la cata. Si j'avais su que c'était comme ça. Heureusement j'fais pas de cinéma. Elles reviennent toutes quand tout va bien. Divers champagne. J'vois la vie rose sur ma montagne. J'écris des proses. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tout est noir chez toi. J'ai les pinceaux. Changer ta vie. J'ai pris les pinceaux pour mettre la couleur dans ta vie. J'dessine sur le tableau, on change de décor si tu t'ennuies. Viens, on s'enfuit loin, j'ai le monde qui me séduit. Viens, on s'enfuit loin, j'ai le monde qui me séduit. Pira para papa.